explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, bord à bord à l'Evainé. Tu connais ? Mais croyez-moi, j'ai pu regarder les paysages par le hublot. Sur France Inter, j'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac ! Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé. Les paysages grandioses de montagne dégagent une impression de puissance et d'éternité, mais il faut parfois se méfier des apparences. Les sommets blancs qui surplombent les vallées sont beaucoup plus vulnérables qu'il n'y paraît. Dans les Alpes, le changement climatique est en train de redessiner les paysages à une vitesse vertigineuse. Selon une récente étude, la moitié des glaciers alpins auront disparu en 2050 et il pourrait n'en rester plus que 10% en 2100. Cette mutation rapide, déjà à l'œuvre, a des conséquences sur la répartition de la faune et de la flore sur les flancs des montagnes. Tandis que les glaciers se meurent, des lacs se forment, donnant naissance à de nouveaux écosystèmes. Alors à quoi ressembleront les paysages dans les Alpes dans quelques décennies? Quelles seront les conséquences de ces transformations rapides? Et dans quelle mesure est-il encore possible de freiner le processus que nous avons enclenché? Cet après-midi, nous partons bivouaquer dans les Alpes, observer des paysages et des écosystèmes en pleine mutation. Que c'est beau. Sur France Inter. Mais vous ne m'écoutez pas, hein, vous regardez le monde. Évidemment, ça vaut la peine d'être vu. Le temps d'un bivouac. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac. Autour de la table, Richard Bonnet et Jean-Baptiste Bosson. Bonjour à tous les deux. Bonjour Daniel. Soyez les bienvenus. Richard Bonnet, vous êtes chef du service scientifique du Parc des Écrins. Et Jean-Baptiste Bosson, vous êtes glaciologue et géographe, membre de l'ASTERS, Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie. Vous allez nous dire ce que les études des scientifiques révèlent de l'évolution des Alpes, glaciers, lacs, faune et flore. Tout ça est surveillé de près et certains changements s'opère particulièrement rapidement. Vous répondrez aussi aux questions que les auditeurs vous adressent sur la page de l'émission, sur franceinter.fr, ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. À 17h, nous prendrons le temps d'admirer d'autres paysages de France en empruntant les petites lignes ferroviaires de l'Hexagone. Voilà pour les grandes étapes du jour. Cette émission est réalisée par Clément Nouguier. Elle a été préparée par Océane Théard et Mathieu Aoued. Voilà l'hélicoptère. C'est pour nous, hein. C'est pour nous, donc on va y aller. Ben, on est arrivé au premier site de forage. C'est le cirque du glacier d'Argentière. Donc ici, on doit être vers 3100 mètres d'altitude. 3050 mètres exactement. Donc c'est le bassin d'accumulation du glacier d'Argentière. C'est-à-dire que l'accumulation hivernale est supérieure à la fonte estivale. Et on va faire le premier carottage. On est à combien là ? 2,40 m. Combien ? 2,40 m. Non, c'est... il y a très peu de neige sur le glacier. Une année très très déficitaire, ça va être une catastrophe pour le glacier. L'année 2015 risque d'être une catastrophe. Si on a un été très chaud, la fonte estivale va être encore plus importante. Et donc c'est très mauvais pour le glacier, ouais, c'est une mauvaise nouvelle pour le glacier. Nous étions en 2015 sur le glacier d'Argentière, pas très loin de Chamonix. Depuis, les nouvelles de ce glacier ne sont pas meilleures, Jean-Baptiste Bosson ? Alors j'ai pas les chiffres moi exactement pour Argentière, c'est des collègues de Grenoble qui le suivent. Nous on suit de près avec le conservateur des réserves naturelles de Haute-Savoie un autre glacier qui est le glacier Trélatête qui a quelques 10 kilomètres, un peu toujours dans l'assise du Mont Blanc. Et en tout cas les nouvelles sont très mauvaises aussi. En 2015 ça a été avec 2003 c'est la pire année qui a été mesurée depuis plusieurs décennies. 2018, on a eu aussi une très mauvaise année, mais juste, je peux vous donner un ordre d'idée sur les 5 dernières années, là, entre 2014 et 2018. Donc, ça fait 5 ans de mesure. On fait le bilan de masse. On va mesurer combien un glacier, il accumule de neige en hiver et combien, cette neige et la glace va fondre pendant l'été. Mm-hmm. Le bilan de masse de Trélatête sur cette période, c'est comme si tout le glacier qui fait 6 km² de taille, il a perdu l'équivalent de 6 mètres d'épaisseur. Sur tous ces 6 km carrés. Finalement, les glaciers, c'est surtout en épaisseur qu'ils diminuent. C'est pas tant le front du glacier qui recule, c'est avant tout la couche de glace qui s'amincit. Alors, c'est les deux processus. Ouais. On a à la fois le front du glacier qui recule. Donc, dans les faits, il recule jamais. Le glacier, il avance parce que c'est une masse de glace qui se déforme. Ouais. Seulement, des fois, en fait, ils font plus vite qu'il avance. Donc, il est rongé comme ça dans le paysage, mais la masse de glace continue à aller vers l'aval. Et puis, en surface, c'est pareil. On a la même chose. On a un amassis. Enfin, quand le bilan de masse est négatif, quand il fait trop chaud pour le glacier, il est un peu rongé comme ça en épaisseur. Alors, Richard Bonnet, vous travaillez sur le glacier blanc. Hein. Nous sommes dans le parc des Écrins, dont vous êtes le responsable scientifique. Comment se porte-t-il le glacier blanc? Alors, ce glacier blanc, malheureusement, ne peut pas bien se porter. C'est le grand glacier le plus méridional des Alpes. Hein. C'est celui qu'on a le plus au sud. Donc, juste pour se faire une idée pour les auditeurs, on perd à peu près 70 cm d'épaisseur de glace, non pas la neige. Hein. La neige a déjà toute fondue de l'année. Mmh. Et après, on vient taper dans le capital de la glace qui est là depuis longtemps et on perd 70 cm en moyenne par an. Ouais. Donc voilà, au bout de 10 ans, 7 mètres, vous imaginez un immeuble, vous voyez tout de suite ce que ça peut faire. C'est intéressant ce que vous dites quand vous dites on tape dans le capital. C'est-à-dire que les glaciers, il faut les voir comme de la neige qui s'est tellement tassée que c'est devenu de la glace. Mais quand on commence à taper dans la glace, c'est de la neige d'il y a très longtemps hein, que l'on vient fondre. C'est ça, c'est de la neige qui est tombée il y a longtemps, qui s'est tassée, qui s'est transformée en glace, qui s'est accumulée pendant des décennies, voire des siècles. Et aujourd'hui, on est en train d'y taper dedans. Mmh. Alors, on y tape fortement. Hein. Jean-Baptiste a donné quelques chiffres qui sont assez significatifs. Et surtout, on a une courbe qui, depuis 20 ans, ne fait que décroître. Jean-Baptiste Bosson, est-ce que tous les glaciers des Alpes fondent à la même vitesse? Puisque vous nous avez dit, moi je travaille sur celui-ci, je ne sais pas ce qu'il en est pour celui d'à côté. On a l'impression que c'est chaque glacier son histoire. Alors chaque glacier a un comportement atypique. Enfin, en fait, ça va dépendre de la géométrie du glacier, du bassin versant, son orientation, l'altitude du glacier. Mais globalement, ce qu'on peut dire dans les Alpes, c'est qu'ils ont tous, enfin, et quasiment tous dans le monde, hein, sur les, il y a 210 000 glaciers officiellement inventoriés dans le monde. Il y en a un petit peu plus dans la réalité, mais en tout cas, sur les 210 000, il y en a plus de 180 000 qui doivent être en train de fondre, en tout cas. Mmh. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, le principal contrôle des glaciers, c'est les températures de l'air. Et globalement, on est dans une période de réchauffement global dans pratiquement toutes les régions du monde. Et donc, si on rezoome sur les Alpes, à l'échelle régionale, le principal contrôle, c'est vraiment la température de l'air. Elle est homogène à l'échelle régionale. Mmh. Donc, que ce soit dans les Écrins ou dans le massif du Mont Blanc, on a à peu près les mêmes grandes variations de température. Et du coup, les glaciers fondent à peu près tous à la même vitesse. Même s'ils ne sont pas tous exactement de même nature. Si j'ai bien compris, il y a trois types de glaciers. Il y a les glaciers blancs, les glaciers noirs et les glaciers rocheux. Alors, aidez-nous à nous y retrouver. Ok. Alors, ça, c'est ce que j'ai fait un petit peu pendant ma thèse, c'est d'étudier ces trois types de glaciers. En fait, juste un peu de cuisine. On prend deux ingrédients puis on les mixe à différentes quantités. Le premier, c'est les glaciers blancs. On n'a que de la glace. En surface, on va marcher sur de la neige dans la partie amont et sur de la glace dans la partie aval en été. Et puis tout ça flue. Et puis finalement, c'est le système le plus sensible qui va soit gagner beaucoup de volume quand les températures sont favorables, soit perdre beaucoup quand le climat est défavorable. Les glaciers noirs, on prend le même système, donc qui est composé essentiellement de glace à l'intérieur, mais par contre, dans la partie aval, on a beaucoup d'apports de matériaux depuis les versants, donc c'est dans des régions du monde, il y a beaucoup de reliefs, comme dans le massif du Mont Blanc, dans certains glaciers, il y en a beaucoup en Himalaya, dans les Andes, et donc là, la partie aval du glacier, en fait, elle est recouverte par un manteau de sédiments, donc c'est des fragments de roches qui s'accumulent, et puis si bien qu'on peut des fois marcher comme ça sur un glacier, enfin sur des kilomètres sur un glacier, sans savoir qu'on marche sur un glacier, parce qu'il est caché sous les sédiments. Alors, il est possible que dans les Alpes, il y ait des glaciers cachés. Qu'on ne les connaisse pas encore tous? Tout à fait. Alors, en tout cas, moi, dans ma thèse, où on avait découvert un nouveau glacier, donc ce n'est pas un immense glacier, c'est un tout petit glacier. En fait, c'est un vieux glacier qui a été complètement enfoui sous les sédiments. De cette manière-là dont je vous parlais, avec l'érosion des versants, et puis un glacier qui est en bonne santé, il arrive à évacuer ce qui tombe dessus, puis un glacier qui est en mauvaise santé, il bouge beaucoup moins, il est moins épais. Du coup, il n'arrive pas forcément à évacuer. Et donc, il peut être complètement enfoui. Et nous, on avait découvert, là, dans le sud du massif du Mont Blanc, un tout petit glacier, hein, qui n'est pas énorme, mais qui est quand même une masse qui doit faire aller entre 5 et 10 mètres d'épaisseur. Sur au moins 300 mètres de long, et puis qui est complètement enfoui aujourd'hui, qu'on n'a aucune trace en surface de la glace en profondeur. Des glaciers enfouis. Et donc le glacier rocheux, c'est celui qui est plus fait de roche finalement de glace. C'est une mixture de glace et de sédiments. Et puis le fait que ce soit une mixture, ça va le rendre encore moins sensible aux changements de température. Et puis par contre, pour le coup, il va avoir un comportement visqueux. Et du coup, à la surface de la planète, ça va faire des magnifiques formes visqueuses, un peu comme si vous preniez du Nutella que vous le faites écouler. Et là, je peux juste dire, c'est grâce aux glaciers rocheux qui sont présents sur Terre qu'on a su qu'il y avait de l'eau sur Mars au début. Ah oui, pour quelle raison? Parce qu'il y a des formes similaires en fait. On a découvert des formes similaire, très très de reptation, enfin de fluage comme ça sur Mars. On s'est dit, mais c'est la même forme qu'on a sur Terre, c'est des glaciers rocheux. Alors il y a 50 ans, certains remarquaient déjà l'évolution rapide des glaciers dans les Alpes, comme ici sur la mer de glace, sur l'un des versants du massif du Mont Blanc. Nous étions en 1963. Eh bien, une seule image vous montrera déjà l'importance. Voyez-vous, il y a un demi-siècle, vers 1900, les gens qui venaient ici, les premiers alpinistes, ils voyaient quoi ? Ils voyaient cette vallée complètement remplie. Regardez, à 130 mètres, montait ce glacier sur lequel nous nous trouvons. C'est pour montrer combien un glacier, combien une masse de glace influence le climat. C'est le seul endroit où l'on puisse retrouver le passé et comprendre comment les climats ont varié. Or, c'est très important pour nous. Comment voulez-vous que l'on puisse savoir dans les années qui viendront comment continuent ces variations ? Alors, cette journaliste scientifique Nicolas Strotsky, qui était sur la mer de glace et qui s'étonnait de cette baisse en 50 ans, alors que nous étions en 1963, de cette baisse vertigineuse du niveau de la glace. Alors, on se demande, ça fait combien de temps qu'ils fondent ces glaciers exactement, Richard Bonnet ? Alors, le temps, on commence à le savoir, hein, les climatologues l'ont montré, c'est depuis la fin du petit âge glaciaire. Alors peut-être le petit âge glaciaire est quelque chose qui paraît bizarre, hein, ça, on se croirait revenir dans un film de Walt Disney. Ouais. Non, en fin de compte, au Moyen-Âge, il y a eu une période froide qui a duré du Moyen-Âge jusqu'en gros à 1850, pour faire très simple. Et à partir de là, le climat s'est réchauffé. Là, c'est la partie presque naturelle. Puis là-dessus, c'est surajouté l'activité humaine qui a amplifié ce réchauffement. Alors, il y a eu quelques accidents au milieu, je ne vais même pas les évoquer parce que ça ferait prendre trop de temps, mais il y a un réchauffement continu. Et typiquement, nous, le glacier blanc et le glacier noir, on vient d'en parler, se rejoignaient en bas, auprès de Madame Carl, en Val-Louise. Les deux glaciers étaient concomitants. Ouais. Si maintenant, aujourd'hui, vous venez les voir, et ça vaut le coup, vous verrez qu'ils sont très très loin l'un de l'autre. Ils sont chacun remontés dans leur vallée. Le glacier noir est rentré dans sa vallée. Ouais. Le glacier blanc est en train de remonter. Ils se séparent depuis à peu près une centaine d'années. Et il n'y a pas si longtemps en arrière, on envoyait des évêques prier dans la montagne parce que justement on trouvait que ces glaciers étaient trop menaçants et arrivaient trop près. Jean-Baptiste Bosson. Donc justement, au petit âge glaciaire, c'était une grande inquiétude. On comprenait pas pourquoi les glaciers avancent. C'est surtout qu'ils ont avancé dans des zones qui étaient utilisées pour les alpages, mais surtout sur des hameaux. Et notamment dans la vallée de Chamonix ou en vallée voisin, les grandes avancées du petit âge glaciaire, ils ont avancé dans des endroits où il y avait des pauvres agriculteurs de montagne à l'époque. Et du coup, ils pensaient que c'était une punition divine. Oui. Donc ils ont appelé les évêques et en fait appelé le clergé à la rescousse pour venir prier, faire des processions, faire des messes. Il y en a notamment une qui a été organisée avec l'évêque de Genève à Chamonix en 1644. Et ils ont bien prié parce que le glacier a reculé pendant les deux décennies suivantes. Alors ils ont peut-être trop prié parce que du coup ils nous font disparaître tous les glaciers dans les Alpes. Mais... oui, on peut leur faire porter le chapeau, mais le chapeau est peut-être... Il faudrait prier dans le peu large. Un peu large, oui, ils ont le dos large. Mais alors, on voit quand même qu'il y a eu des fluctuations finalement au long des siècles. La particularité de notre époque, c'est que ces fluctuations n'ont jamais été aussi rapides et intenses. Ouais, je pense que il y a trois particularités actuellement. C'est les causes du réchauffement qui sont essentiellement anthropiques. C'est lié vraiment au fait que l'homme, il a mis de l'énergie dans le système Terre en mettant des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. La deuxième particularité, c'est la vitesse. À l'échelle du temps géologique, c'est énorme, les vitesses du réchauffement actuel. La dernière particularité qui est inquiétante, c'est vers où on va en termes de réchauffement. Est-ce qu'on va réussir à atteindre les objectifs de l'accord de Paris de 2 degrés, 3 degrés, etc. Mais, c'est l'idée de stabiliser le climat pas très loin de ce qui serait naturel. Et la grande inquiétude, c'est qu'on pense qu'au-delà de 2, 3 ou 4 degrés, on engendre automatiquement des processus naturels irréversibles. Je donne un exemple. Par exemple, le permafrost de l'Arctique, la Sibérie fond, libère énormément de méthane qui est actuellement piégé dedans. Et quoi qu'il arrive, juste en ayant fondu avec ce seuil de 2, 3 degrés, etc., en fait, il va libérer tellement de méthane et de gaz à effet de serre que ça va de toute manière réchauffer la Terre à plusieurs degrés au-dessus. La fonte de ces glaciers a toute une série de conséquences sur la flore et la faune dans les Alpes. Elle engendre aussi l'apparition de nouveaux lacs, de nouveaux écosystèmes apparaissent. On bivouaque dans les Alpes pour observer les paysages se transformer à vitesse grand V cet après-midi. Pour adresser une question à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Storm rising, could you see the guy who was driving? Could you climb higher and higher? Could you climb right over the top? Why does a multi-millionaire fill up his home with priceless junk? Of the Mountain, c'était Kate Bush sur France Inter. Alors, dans l'étage montagnard où nous sommes là maintenant, vous voyez les cultures encore, ouais. Des céréales. Il y a des foins, c'est fauché. Tout à l'heure, je vous ai vu attraper une poignée de foin et la sentir. Et ben, écoutez, si l'émission peut faire partager cette odeur à tous les auditeurs, ça sera bien parce que c'est la saison des fenaisons, là, l'été. L'herbe coupée sèche, elle sent bon. Elle va servir l'hiver, on est en montagne. Et dans cette mosaïque où nous nous trouvons, puisque l'étage montagnard, c'est évidemment une mosaïque, il y a des cultures, il y a quelques bosquets de feuillus. On voit là-bas un merisier, on voit à côté de nous un sureau. Enfin, c'est une mosaïque avec des milieux ouverts et des milieux fermés. Et les papillons donc, qui se régalent parce qu'ils sont plus ou moins inféodés donc à ces plantes. C'est un argus. Et là, il y a des fleurs, donc il fait son job. Ouais. Et puis on a vu aussi des adonis que vous n'avez peut-être pas remarqué. Ah non, j'ai pas vu ça. Vous n'avez pas vu. Et également, j'ai remarqué une nielle des blés. Ouais. Alors, nielle, c'était un fléau à une époque, mais c'est quand même une plante intéressante qui n'est pas si fréquente que ça. Christian Couloumi, agent du Parc National des Écrins, ancien agent, au micro de Denis Chessou en 2013 dans l'émission Naturellement. Autour de la table du temps d'un bivouac, il y a Richard Bonnet, chef du service scientifique du Parc des Écrins, et Jean-Baptiste Bosson, qui est glaciologue et géographe. Le changement climatique et la fonte de ces glaciers ont-ils un effet déjà observable, sur la flore dans les Alpes, Richard Bonnet? Ah oui, alors les effets sont flagrants. Hein. Il y a dernières études qui ont été réalisées avec les collègues de Grenoble qui ont montré que globalement les Alpes, les écrins en particulier, se verdissaient. Ouais. On a un verdissement général de nos montagnes. Hein. C'était pas intuitif. Hein. D'un côté, on perd le blanc, les glaciers. De l'autre côté, on gagne du vert. Mmh. Alors, quelles sont les plantes qui se déplacent? Cette verdure, c'est quoi, en fait? Alors, cette verdure, on va dire de manière simple, c'est les plantes d'en bas qui remontent. Ouais. Mais ça a aussi une conséquence, c'est que les plantes qui sont habituées à être en haut, ce qu'on appelle vulgairement les artico-alpines, celles qui vivent en Arctique ou très haute altitude dans les Alpes, elles vont se retrouver défavorisées. Et pour ça, ben, on effectue des suivis hein, dans le cadre de dispositifs comme Flore Sentinelle avec le Conservatoire Botanique. On fait des suivis autour du Carex bicolore ou de ces espèces-là pour voir justement comment le réchauffement climatique les impacte et comment elles vont arriver à se conserver ou pas à ces altitudes. Là encore, les espèces végétales qui couvrent les flancs de ces montagnes dans les Alpes, elles ont migré, elles ont évolué au fil du temps. En fait, cette image assez immuable que l'on a de la montagne, elle est relativement fausse. Alors oui, s'il y a un message que je souhaiterais faire passer, c'est justement que le paysage n'est pas fixe. Oui. Les paysages, depuis 10 000 ans, depuis 100 000 ans, n'arrêtent pas d'évoluer. Et ils évoluent très rapidement. Et en ce moment, avec le changement climatique, encore plus rapidement. Mmh. Mais le paysage de nos 10 ans n'est pas le paysage des 10 ans d'il y a deux générations. Mmh. Et ce qu'ont vécu nos anciens, ils n'ont pas vu les Alpes comme on les voit aujourd'hui. Et nos enfants ne les verront pas de la même manière. Et puisqu'on est chez les anciens, même certains anciens se sont battus pour savoir s'il fallait des arbres ou pas dans les Alpes. Racontez-nous ça. Ah oui, bah, les arbres et les Alpes, c'est toute une affaire, hein, puisque une partie, donc, depuis la préhistoire, hein, le pastoralisme a commencé grosso modo il y a 3000 ans avant Jésus-Christ. Mmh. Et les hommes ont commencé à s'installer en haute montagne, hein, j'entends. Et là, ils ont défriché. Et ils ont entraîné des phénomènes érosifs importants. C'est de très très jolis travaux qui ont eu lieu sur le lac d'Anterne, hein, avec les équipes de Chambéry qui ont montré ça. Et ils ont enlevé la forêt. Puis après, il y a une baisse d'activité, la forêt est revenue, enfin, il y a différentes péripéties. Justement, on revient dans ces années 1850, hein, c'est là où il y a le plus d'habitants dans les Alpes, c'est là où on a le plus défriché. Et à ce moment-là, l'État décide de replanter des forêts dans les Alpes pour éviter justement l'érosion, pour éviter ces grandes catastrophes autour des rivières. C'est ce qu'on appelle les travaux de restauration des terrains de montagne et les grandes plantations. Mmh. Et ça a été par moments assez conflictuel dans les vallées. Ouais, c'est-à-dire que certains ne voulaient pas que l'on replante des arbres, donc attendaient de pied ferme ces agents de l'État qui venaient pour replanter. Tout à fait, il y avait une volonté de replanter des forêts pour éviter l'érosion. Et de l'autre côté, une partie des populations qui avaient besoin de cette herbe pour nourrir leurs troupeaux. Il fallait voir que c'est une partie des populations des Alpes à cette époque qui ont émigré au Mexique, aux États-Unis, entre autres, parce qu'ils n'avaient plus assez de ressources, ils mouraient de faim. Ouais. Donc, quand on leur enlevait du pâturage, c'était potentiellement une, deux ou trois brebis de moins, et quelque part, c'était de la nourriture ou du revenu qu'ils perdaient. C'était énorme. Aujourd'hui, le réchauffement climatique profite-t-il à certaines espèces végétales qui peuplent les alpages ? Ben oui, aujourd'hui, on a typiquement certaines espèces qui sont en train de recoloniser ces espaces qui ont été libérés par les glaciers. On a aussi, du fait de certaines zones qui sont moins appréhendées par l'activité pastorale, l'émergence de broussailles ou de petits arbres, voire un début de forêt qui est en train de s'installer. Et ça contribue au verdissement global dont j'ai parlé, qui s'observe très bien par satellite, puisqu'on a montré que pour les écrins, les deux tiers de la surface des écrins étaient plus vertes aujourd'hui que par rapport à 1985. Et alors ce changement de végétation, est-ce qu'il a aussi des conséquences sur la faune? Autrement dit, est-ce que les espèces animales, elles aussi, se déplacent et arrivent dans de nouvelles niches, à de nouvelles altitudes? De la même manière, ouais. Hein, tout est lié. Hein, donc les espèces artico-alpines, comme le lagopède alpin, voire le lièvre variable, elles sont défavorisées. Puisque leur habitat se réduit, évidemment, ils ont moins de place pour se reproduire, pour survivre, et donc les populations se réduisent, voire disparaissent de certains massifs. Mmh. Les massifs où ils n'arrivent plus à monter assez haut, ils sont obligés de s'en aller, et à l'inverse, les espèces qui sont beaucoup plus colonisatrices sont en train de gagner ces espaces rapidement et de supplanter d'autres espèces. Autrement dit, on rebat les cartes, certaines espèces y gagnent, d'autres y perdent. Globalement, la biodiversité augmente ou diminue? Est-ce qu'on le sait ça? Alors, moi je suis bien incapable de vous donner ce résultat, mais je vais vous donner un petit résultat intuitif. Si on peut imaginer qu'une partie de la biodiversité, c'est la diversité de ce qui nous entoure, sans rentrer dans les détails, si on perd tout le cortège des arctiques alpines, on va perdre tout un pan de biodiversité qui, lui, ne pourra plus jamais être là. Des massifs plus basse altitude l'ont déjà perdu. Donc, on a de grandes chances de perdre. Et en plus, on a une grande question scientifique, c'est bien beau, le bas est en train de remonter, puis le haut est en train de changer. Mais est-ce qu'on arrive à avoir les mêmes vitesses? Et ça, c'est la grande question scientifique actuellement. Les glaciers reculent, mais est-ce que la végétation pour venir a la même vitesse, la même cinétique? Ouais. Et de nombreuses études, entre autres en Amérique du Sud, avec des études dans les Bofeda, montrent qu'il peut y avoir des fois un déphasage de 50 ans. Ouais. La vitesse avec laquelle les transformations sont en train de s'opérer font que le vivant a du mal à s'adapter quand même. Ben, il a du mal à venir recoloniser ces espaces nouveaux pour des raisons très simples que tout le monde comprendra. Quand un glacier recule, les sols ne sont pas constitués, les micro-organismes dans les sols ne sont pas là, donc il y a tout un écosystème qui n'est pas en place et il va lui falloir du temps pour se créer et y arriver. Avec la fonte et le recul des glaciers, des lacs aussi apparaissent. Allons faire un tour du côté d'un lac d'altitude qui existe lui depuis longtemps. Alors ça y est, on vient de changer de réserve naturelle, on entre dans la réserve naturelle de Sixte avec un paysage à couper le souffle sous la chaîne des Fils. Et puis au fond, on voit la réserve naturelle de Sixte avec des sommets comme le Buet qui monte aussi à plus de 3000 mètres d'altitude. Voilà, et puis un grand bassin versant où toutes les eaux de pluie et les eaux de fonte tombent dans le lac d'Anterne qu'on va bientôt découvrir. Donc là, on a prélevé de l'eau complètement au fond du lac. Ça va nous permettre de voir tout ce qu'il y a comme éléments nutritifs au fond du lac et puis de mesurer aussi la concentration d'oxygène. Ce sont des milieux qui sont préservés des activités humaines et donc c'est un peu pour nous des sentinelles de l'environnement. Ça nous donne un peu un repère pour se dire est-ce qu'il y a de la pollution dans l'atmosphère, est-ce que les activités humaines ont un impact sur ces milieux qui paraissent très, très indemne de tout ça, mais qui sont très fragiles et très sensibles. Donc ça enregistre, c'est nos archives environnementales. Voilà, c'est un livre ouvert. Un extrait d'un reportage diffusé dans Des Racines et des Ailes en 2016. Nous étions donc dans la réserve naturelle de Sixte, en Haute-Savoie, avec Carole Bric, chargée de mission scientifique à Asters, que vous connaissez, hein, qui est une de vos collègues, Jean-Baptiste Bosson. Collègue et amie, salut Carole, je pense qu'elle écoute d'ailleurs. Oui. Donc. Alors, elle ne vous répondra pas, hein. C'était un extrait de reportage, Jean-Baptiste. C'est là qu'ils sont importants pour les chercheurs, c'est un révélateur un peu de la santé du lieu. Alors Carole a super bien dit avant, je pense que les lacs ils ont deux intérêts, un petit peu comme les glaciers, on a utilisé beaucoup les glaciers, ils sont intéressants par eux-mêmes, mais ils sont aussi intéressants parce que grâce aux glaciers on arrive à comprendre le passé en remontant, en reconstituant l'histoire du climat. Mais les lacs c'est un peu la même chose, imaginez que les lacs c'est comme une espèce de puits dans notre bassin versant, donc dans notre système de montagne, et toute la matière qui va être transpirée va s'accumuler au fond du lac. Et puis en analysant les carottes sédimentaires, du coup on va avoir vraiment une véritable archive environnementale qu'il va falloir essayer de détricoter, de comprendre. Ça on a des super collègues notamment à l'Université de Savoie qui sont vraiment parmi les spécialistes mondiaux et qui vont nous raconter un petit peu l'histoire du bassin versant, l'histoire de l'évolution du paysage, du climat, etc. Donc ils ont une formidable valeur d'archive. Et puis là, on essaie de développer ces dernières années des dispositifs qu'on appelle Sentinelle. Donc ils nous enseignent sur le passé, mais ils nous enseignent aussi sur le présent et le futur. Et en fait, à travers ces dispositifs Sentinelle, donc notamment lac Sentinelle, on essaie d'instaurer un protocole commun de suivi de ces lacs. Et puis, avec différentes mesures de température, d'oxygène, de chimie, de plein de choses. Et ils sont un peu des sentinelles qui nous avertissent ou non de l'évolution de la réponse de ces écosystèmes. Et est-ce que finalement, ils vont vers un meilleur état écologique qu'avant, ou au contraire, il faut un peu s'inquiéter et essayer d'améliorer leur état. Alors vous êtes un petit peu, vous avez deux centres d'intérêt, les glaciers et les lacs, ce qui fait que, en travaillant dans les Alpes, à la fois vous avez un peu cette inquiétude de voir les glaciers fondre et diminuer en épaisseur et en taille, et à côté de ça, vous voyez apparaître des lacs qui sont la résultante de ces glaciers qui fondent, et là par contre ça vous intéresse de voir justement comment un lac se crée, et puis comment la biodiversité s'installe petit à petit dans ce nouvel espace. Donc exactement, les glaciers c'est des formidables agents d'érosion, mais une fois qu'ils disparaissent souvent ils laissent des grosses dépressions qu'on appelle des ombiliques en fait qui va se combler par l'eau. Et juste pour vous donner un exemple, la Suisse c'est vraiment un pays de lacs, mais on a modélisé qu'avec la disparition des glaciers en Suisse, dans les prochaines décennies il y aura plus de 300 lacs qui vont apparaître, donc c'est plus de j'ai plus le chiffre exact, mais c'est plus 30% du nombre de lacs en Suisse, c'est énorme. Donc les glaciers disparaissent et des lacs se forment, et ce qui est génial, un petit peu comme pour ce qu'on appelle les marches pro-glaciaires, c'est les secteurs qui viennent d'être désenglacés où justement on n'a que du minéral, pour ces lacs glaciaires c'est exactement la même chose. On a une espèce de temps zéro écologique où on a un secteur qui est uniquement minéral et on va pouvoir, en le suivant, en l'étudiant, comprendre comment la vie elle va peu à peu se développer dans ces écosystèmes. Alors justement, à quelle vitesse la vie va s'installer et coloniser un tel espace ? Justement, je préfère pas trop répondre parce qu'on est au tout début des études et avec Lac Sentinel, justement, on a équipé ce genre de lac. Autant les marches proglaciaires, donc sur le côté sol et végétation, c'est depuis plus de 100 ans que c'est étudié, mais il y a quand même un regain d'intérêt ces dernières années dessus. Mais autant les lacs, c'est vraiment assez nouveau, ces études de T0 écologique. Richard Bonnet. Oui, peut-être un petit complément. Dans le parc des Écrins, on a le lac du Pavé, 2830 mètres de mémoire. Grosso modo, ce lac s'est désenglacé il y a une centaine d'années. Il y a encore 50 ans, il y avait la moitié du lac qui était couvert par le glacier. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus de glacier. Et on a commencé depuis une dizaine d'années à étudier ce lac. Et on commence à voir arriver justement les premiers micro-organismes. Et puis même certains phyto-ésoplanctons qui commencent à peine. Et on arrive à faire ces comparaisons par rapport à d'autres lacs qui sont plus bas en altitude où l'écosystème est beaucoup plus complexe. Et là, notre enjeu, il est vraiment de suivre sur le long terme ce lac régulièrement avec les collègues de l'Agence française de la biodiversité pour voir justement comment la vie va se mettre en place dans ce lac. Est-ce qu'on s'autorise à introduire des espèces quand un nouveau lac arrive comme ça? Si quelqu'un arrive et met des poissons, par exemple, c'est sacrilège? Ça pourrait arriver, pas vous, pas les scientifiques, mais est-ce que des gens pourraient... Disons qu'au niveau scientifique, là, déjà, c'est interdit pour ce lac du fait de la réglementation du territoire et du parc, en lien, bien sûr, avec les fédérations de pêche. C'est en accord complet avec les pêcheurs. Mais c'est surtout que si là, on introduit un poisson, on détruit complètement l'écosystème et la dynamique qui se met en place. L'étude tombe à l'eau. Ouais. Et une de nos hantises, je dirais, c'est que ça arrive. Pardon d'avoir suggéré l'idée. Je comprends votre regard absolument catastrophé quand j'ai posé cette question. Voilà. Bon, on espère, et la communauté des pêcheurs est quand même assez responsable, que ça ne se produit jamais, surtout à cette altitude. Ouais. La nourriture est tellement faible que ça ne permettrait pas de poissons viables. Mais voilà. Ça n'aurait pas d'intérêt. Voilà. Alors, Jean-Baptiste Bosson, un intérêt par contre de ces lacs qui apparaissent, ce sont des réserves d'eau et pour les habitants de la montagne, c'est un véritable enjeu. Alors oui, l'eau, enfin les Alpes, on dit souvent ça, que c'est le château d'eau de l'Europe. Hein, donc les lacs, mais surtout les glaciers, ils fournissent en eau tous les bassins versants là-bas. Il faut bien comprendre que les Alpes, donc les glaciers, les névés, donc les secteurs enneigés une grande partie de l'année, et les lacs vont permettre comme ça à l'aval pendant les périodes chaudes, et notamment pendant l'été, ou par exemple comme l'année passée, on a eu une grande période de sécheresse, ils vont permettre de soutenir en fait les apports en eau des vallées à l'aval et de permettre à l'homme de boire, à l'homme de faire de l'irrigation, à l'homme de faire de l'hydroélectricité, plein de choses comme ça. Mmh. Et donc, évidemment... La fonte des glaciers, c'est un immense enjeu par rapport à ces questions hydrologiques, aux activités humaines à l'aval. Et les lacs qui vont les remplacer vont un petit peu jouer ce rôle, mais c'est des volumes d'eau qui sont nettement moins importants que le volume qui est stocké sous forme de glace. Donc ils ne joueront pas le même rôle, pas à ce niveau-là. Nous observons les transformations des paysages et des écosystèmes dans les Alpes avec nos invités Jean-Baptiste Bosson et Richard Bonnet cet après-midi. Le temps d'un bivouac sur France Inter. Désolé mais pas désolé, cette fois-là il fallait y aller. Vaut mieux être soi-même que d'être mal accompagné. La médecine fait des miracles, ma tenue peut en témoigner. Hier elle était malade, demain elle sera soignée. Que je sois doué, oh yeah. Yippie-kaye, j'quitte le foyer, j'tippe le douanier. On s'envole pour faire le vide, on atterrit pour ravitailler. Kinda like a big deal, feeling like Kanye. Le Québec sur les épaules, pin suisse sur le poignet, oh yeah. Les plaques plein le corridor, mais parle-moi pas d'or. Only God or can judge me dog. Le salaire minimum, un minimum, un 100 hours. Ça a l'air que tout ce money talk était prémonitoire. Quand tu bouges comme on bouge, t'sais, c'est facile d'oublier. Il est supposé d'être sur scène, ils savent même pas où il est. Une heure de retard, maybe more, no less. Mais quand je consulte la Rolex, me trouve fashionably late. Oh yeah. I waited all my life, cette fois-là il fallait y aller. I waited all my life, cette fois-là il fallait y aller. Fallait y aller, fallait y aller. I waited all my life, cette fois-là il fallait y aller. Fallait y aller, fallait y aller. I waited all my life, cette fois-là il fallait y aller. Ils ont fait rentrer les mados, sortir les bados. Donc mon attitude dans le club est optimiste. Ils voudraient qu'on arrête notre cinéma, mais de mémoire, nous on connaît pas nos limites. On connaît juste nos limites. Rockefeller Murder Inc. On travaille à s'en rendre malade, ensuite on meurt de rire. Haha, c'est le kid qui perce l'écran, mais qui reste derrière son mur de vide. Guess you might have heard of him. Oh, j'ai trouvé la perle rare. On part vers la mer Azur, c'est sûr qu'on perd le nord. Rien d'autre que du linge de rechange dans une vallée Saint-Laurent. She's the good kind of bad, so right, she kind of wrong. On a brisé le système. Siskeb, get busy en visite dans le 18e. Je me balade de Panama, Manhattan en un week-end. Tout pour faire l'americano, yes we can. I waited all my life, cette fois là il fallait y aller. I waited all my life, cette fois là il fallait y aller. Fallait y aller, fallait y aller. I waited all my life, cette fois là il fallait y aller. Fallait y aller, fallait y aller. I waited all my life, cette fois là il fallait y aller. Yippee-ki-yay, j'quitte le foyer, j'tippe le douanier, on s'envole. Yippee-ki-yay, yippee-ki-yippee-ki-yippee-ki-yippee-ki-yay. Yippee-ki-yay, j'quitte le foyer, yippee-ki-yippee-ki-yay. Yippee-ki-yay, yippee-ki-yippee-ki-yippee-ki-yay. Yippee-ki-yay, j'quitte le foyer, j'tippe le douanier, on s'envole pour faire le vélo, on atterrit pour ravitailler. S'envole pour faire le vélo, on atterrit pour ravitailler. I waited all my life, cette fois là il fallait y aller. Fallait y aller, fallait y aller. I waited all my life, cette fois là il fallait y aller. Fallait y aller, fallait y aller. I waited all my life, cette fois là il fallait y aller. Fallait y aller, fallait y aller. I waited all my life, cette fois là il fallait y aller. I waited all my life, cette fois là il fallait y aller. On s'envole pour faire le vélo, on atterrit pour ravitailler. I waited all my life, cette fois là il fallait y aller. On s'envole pour faire le vélo, on atterrit pour ravitailler. Fallait y aller, c'était Loud sur France Inter, le temps d'un bivouac. Oui. Tu me dis la hauteur à peu près? Il n'y aurait pas un autre itinéraire possible? Dans le temps, il y avait l'arrêt de Payot, mais c'est encore plus pourri qu'ici. On a regardé partout, dans ce seul endroit. Et on est obligé de traverser ce couloir? Ah, obligé. Pas moyen, on peut pas éviter. Si l'arrêt de Payot, c'est encore plus pourri qu'ici. Attention! Ouais, voilà. Reculez. Oh, les pieds! Ce sont des cailloux qui tombent de la montagne que l'on entend. Là, nous sommes dans le couloir du goûter. Les guides de haute montagne le disent tous, Richard Bonnet. Déjà, les chemins, les sentiers, les pistes changent. On ne peut plus passer exactement par les mêmes endroits qu'il y a encore quelques décennies. Et puis, la montagne se désagrège plus de chutes de pierres à déplorer. Ah oui, là c'est un constat qui est partagé par tous les professionnels de la montagne. Avec ce réchauffement, grosso modo, le permafrost fond, donc c'est le ciment qui est en altitude entre les cailloux et les cailloux entre eux. Puis quand on enlève le ciment, eh ben les cailloux tombent et on en a de plus en plus. À ça, les glaciers, on vous a dit, se sont affaissés. Donc, quand un glacier a perdu 20, 30 ou 40 mètres, voire 50 mètres, comme pour certains, ça fait des parois de 40 ou 50 mètres qui sont lisses, ouais. Complètement. Donc, des voies qui étaient relativement accessibles à un niveau assez aisé deviennent des voies très difficiles. Donc, les guides, et c'est une prophétie intrinsèque à leur profession, sont tout le temps en train de s'adapter à ce changement climatique, aux conditions climatiques journalières et aux conditions d'enneigement. Mmh. Et leur métier est vraiment important, puisque ouais. Avec le changement climatique, ils ont encore plus d'importance pour accompagner les alpinistes, parce que c'est eux qui arrivent à suivre ça au jour le jour. Ils sont inquiets pour leur métier, justement, ces guides de haute montagne. Ils ont l'impression qu'il sera différent ou que c'est un métier qui va devenir plus difficile à exercer. Alors, je ne vais pas me permettre de répondre au nom de la profession, mais bien évidemment, hein. Mais on se connaît, surtout qu'on a mis en place un dispositif qui s'appelle Refuge Sentinelle, et le but c'est d'étudier ce qui se passe en haute montagne, avec comme refuge, comme base avancée pour en discuter, et cet endroit est un endroit où on discute avec les gardiens, avec les guides, et où ils arrivent à s'exprimer, et typiquement les équipes de Grenoble, avec des personnes comme Philippe Bourdeau, ont fait des études sociologiques et montrent que leur adaptation justement, et leur inquiétude aussi, une inquiétude, non pas par rapport à ce qu'ils savent faire, il n'y a pas de problème, mais c'est surtout, de mon point de vue, et là c'est très personnel, par rapport à l'attente de la clientèle. Ouais. Quelqu'un qui vient aujourd'hui dans les Alpes veut faire tel sommet. Je pense que la bonne démarche, ça serait de dire, je viens 15 jours pour faire de l'alpinisme, et je vois avec le guide ce qui est possible de faire. Tant pis si je ne fais pas le plus haut ou le plus blanc ou le plus difficile, je fais celui qui est en bonne condition pour le faire au moment où je viens. Et là, en ce moment, tout a changé sur les périodes pour faire certaines courses en montagne. Ouais. Jean-Baptiste Bosson, comment il faut imaginer que ces montagnes vont évoluer? On a vu en 50, en 100 ans, elles ont prodigieusement changé et ça n'est que le début de la transformation. Est-ce que, comme certaines études le disent, en 2050, la moitié des glaciers auront bel et bien disparu dans les Alpes? Est-ce qu'en 2100, il n'y aura plus de sommets blancs dans les Alpes? Alors on modélise, les glaciologues, on essaie de modéliser, anticiper ce qui va se passer. Et puis c'est mon ami Mathias Huss, là, de l'université de Fribourg et de Zurich en Suisse, avec qui on travaille, qui a vraiment fait un modèle qui est encore plus abouti que les autres sur l'échelle des Alpes, dont ses résultats sont sortis il y a quelques mois. Il prédit l'extinction des glaciers dans les Alpes, donc la fonte de plus de 95% de la masse actuelle d'ici la fin du siècle, si on continue à émettre comme on est en train d'émettre des gaz à effet de serre sur Terre. Mmh. Et puis par contre, il montre que, ce qui est selon moi très positif aussi, ok, on va perdre de toute manière beaucoup de glaciers parce qu'il fait trop chaud pour les glaciers dans les Alpes déjà à l'heure actuelle, mais il montre que si on va vers les engagements de l'accord de Paris, si on va vers des politiques climatiques ambitieuses et qui vont beaucoup plus loin que ce qui est fait à l'heure actuelle, on peut sauver encore 40% des masses de glace dans les Alpes. Donc, ok, on va perdre 60%, mais on peut encore en sauver 40%. Donc, le message, il est encore important pour moi, c'est qu'on est toujours dans la position où l'homme, en fait, avec ses activités, il a une immense influence. C'est pas trop tard pour agir, en fait. Il n'est pas temps de baisser les bras. Nous allons poursuivre notre discussion et puis vous répondrez aux questions qui sont arrivées pour vous. Il y en a déjà plusieurs dans la suite de cette émission. Mais il est temps de retrouver notre chroniqueur Hugo Struna qui, chaque semaine, nous invite à tendre l'oreille. Bonjour Hugo. Bonjour Daniel. Vous êtes journaliste à Viginature, programme de sciences participatives du Muséum National d'Histoire Naturelle. Comme toutes les semaines, vous nous plongez dans les sons de nature qu'étudient les scientifiques du Muséum. Aujourd'hui, ce sont les plantes qui écoutent, Hugo ? Oui, on n'a jamais autant parlé de l'intelligence des plantes. Elles seraient dotées de mémoire, d'un système de communication perfectionné, de sensibilité. La neurobiologie végétale nous montre que ces êtres sans bouche, sans nez, sans oreille, peuvent malgré tout échanger, sentir, ressentir, et même entendre. Alors vous êtes en train de nous dire, Hugo, que les plantes ont des oreilles ? Il y a un peu moins de 10 ans, l'équipe de la chercheuse australienne Monica Galliano a montré que lorsqu'on diffusait un bruit d'eau qui coule à des plants de maïs, leurs racines courbaient à vue d'œil, elles se rapprochaient de la source sonore. Autrement dit, la plante repère l'eau qui est en train de couler ? Oui, sans la voir ni la toucher. C'était la première fois qu'on observait un végétal en pleine écoute. Vous pensez à un système auditif simple et rudimentaire ? Eh bien, vous risquez d'être surpris. Alors là, vous entendez une chenille en train de se goinfrer d'une feuille d'arabette de thallus, une plante que l'on rencontre fréquemment sur les trottoirs, sauf que la bestiole n'ira probablement pas au bout de son repas. En effet, la plante, après avoir entendu, comme nous, les petites mastications, va immédiatement libérer des molécules toxiques afin d'interrompre l'agression. La plante a donc appris à écouter ses prédateurs. Oui, d'ailleurs, en propageant d'autres fréquences, la plante ne réagit pas, elle répond donc spécifiquement aux prédateurs, mais vous allez voir, les végétaux utilisent aussi leurs oreilles pour collaborer. Ah ça nous rappelle les sons de chauve-souris qu'on a déjà entendus dans cette émission. Exactement, nous sommes à Cuba en pleine nuit en compagnie du glossophage de Pallas. Cette espèce de chauve-souris survole les fleurs. Elle se régale du nectar qu'elles viennent pomper avec leur langue à toute vitesse sans même se poser. Certaines fleurs sont capables d'appeler les chauves-souris. Vous vous souvenez, les chauves-souris mitraillent leur environnement d'ultrasons pour repérer les petites proies et se localiser. Eh bien, les chercheurs ont découvert qu'une fleur de vigne, Magravia evenia, avait adapté la forme de sa feuille de telle manière à ce qu'elle puisse renvoyer les ultrasons à l'oreille de la chauve-souris pour indiquer sa présence. Et c'est efficace ? Oui, grâce aux appels de la feuille de vigne, la chauve-souris peut en visiter deux fois plus en une nuit et la plante gagne un pollinisateur efficace, un bel exemple de synergie. On reconnaîtra des abeilles, les fleurs parlent aux abeilles aussi. Alors une étude a fait littéralement le buzz dans la communauté scientifique. Tout récemment, une équipe israélienne a mis au jour un autre système de communication, collaboration, sans conteste le plus étonnant. Les chercheurs ont diffusé des bourdonnements d'abeilles mellifères, comme ceux qu'on entend 10 cm au-dessus d'une centaine d'onagres, une herbacée aux petites fleurs jaunes. Résultat, la production de nectar a explosé. En à peine 3 minutes, la concentration en sucre des plantes a augmenté de 20%. Cette technique permet à la fleur d'attirer d'autres insectes pour peu qu'il en ait entendu un seul et ainsi disséminer efficacement son pollen. Et encore une fois, ce sont les fleurs qui font office d'oreille. L'équipe a reproduit l'expérience en enlevant un ou plusieurs pétales. Eh bien, la feuille ne réagissait plus au bourdonnement. Les pétales des fleurs feraient donc office d'oreille. C'est sûrement pour cette raison que de nombreuses fleurs ont une allure d'antenne parabolique idéale pour recevoir et amplifier les ondes sonores. Même si, pour l'instant, ce phénomène a été identifié chez une seule espèce. Alors, on parle d'oreilles hein, depuis le début de cette chronique, mais il faut tout de même ne pas aller trop loin dans l'anthropomorphisme, Hugo. Ça me paraît un peu audacieux. Oui, effectivement, les plantes n'ont pas d'oreilles comparables à celles des animaux. Elles possèdent plutôt des détecteurs de vibrations qui sont répartis dans toutes les cellules de l'organisme et même dans les racines, comme on l'a vu avec le maïs. Autrement dit, la phytoacoustique est une discipline en plein essor. Oui, c'est d'ailleurs suite à cette étude que la discipline a émergé. Les chercheurs doivent à présent comprendre les processus moléculaires ou mécaniques à l'origine de ces écoutes et traitements du son. Certains scientifiques pensent que les plantes pourraient également être affectées par les bruits que nous émettons. En attendant, il y en a une qui n'a pas l'air de s'en plaindre, c'est Desmodium gyrans, alias la plante qui danse. On a encore du mal à savoir pourquoi, mais les sons déclenchent chez elle des mouvements rapides de ses feuilles et en rythme, s'il vous plaît. Vous serez prévenus maintenant, ces grandes silencieuses n'ont pas les oreilles dans leur poche. On va mettre une vidéo de cette plante qui danse sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Merci Hugo Struna et à la semaine prochaine. Merci Daniel, à la semaine prochaine. Suite de notre discussion sur l'évolution des paysages dans les Alpes, les glaciers alpins sont-ils encore sauvables? C'est ce que nous allons voir avec nos invités Jean-Baptiste Bosson et Richard Bonnet qui vont aussi répondre aux nombreuses questions que vous leur avez adressées. Holding out, another day has come, let you down. All of our yesterdays have gone now. Tearing up, looking for a shoulder to prop you up. All of our yesterdays have gone now. All of our yesterdays have gone now. All of our yesterdays have gone now. All of our yesterdays have gone. All of Your Yesterday, c'était Mac DeMarco sur France Inter. Mettre un chapeau sur un glacier, les Suisses en font l'essai. Ici, dans cette station de ski à 3000 mètres d'altitude, la glace fond beaucoup trop à la belle saison. Chaque année, cette pente du glacier recule de 20 mètres. Alors, les Suisses déploient deux immenses couvertures isolantes sur 3000 mètres carrés. Blanche, pour réfléchir les rayons du soleil. Ces toiles d'un centimètre d'épaisseur devraient permettre de réduire au moins de moitié la fonte de la glace. Mais à 20 euros du mètre carré, le chapeau coûte cher. Nous étions donc en Suisse où l'on a essayé de protéger ce glacier. Autour de la table, toujours Richard Bonnet, chef du service scientifique du Parc des Écrins, et Jean-Baptiste Bosson, glaciologue et géographe. Alors ce sont des techniques qui ont été mises au point, en tout cas pour ce glacier, il y a déjà une vingtaine d'années. Qu'est-ce que vous en pensez? L'idée de mettre ça paraît bien dérisoire, ces couvertures isolantes pour empêcher que le glacier fonde. Ça n'est en tout cas que ponctuel. Alors voilà, on peut pas couvrir les glaciers sur Terre et les calottes glaciaires, c'est 10% de la planète, donc on imagine l'absurdité, d'autant plus qu'il faut mettre des bâches chaque année et les changer parce qu'avec la déformation du glacier, elles se détruisent ou elles évoluent. En fait, ça marche assez bien comme système pour limiter la fonte très localement, et en fait, c'est utilisé quand il y a des enjeux économiques comme une piste de ski ou comme une grotte glaciaire qui se visite ou et sur laquelle on veut pas qu'il quand on est trop de fonte et que ça tombe sur la tête des gens qui hésitent. Après, personnellement, ça comme une solution, c'est assez absurde en fait, comme une solution au problème global. Hein. C'est comme si vous souffrez d'une hémorragie, je sais pas, c'est pas que vous allez aux urgences et qu'on vous met un micro-pansement sur une micro-zone de l'hémorragie, puis qu'en aucun cas on a traité les causes. Donc voilà, ça limite ponctuellement la fonte, et ça permet, mais en aucun cas on traite les causes de la fonte, et en fait les glaciers ils fondent partout autour de la même manière. Plus généralement, Richard Bonnet, comment vous envisagez votre métier de conservation ? Vous êtes donc dans ce parc des Écrins, vous et vos collègues, vous avez en charge de préserver ces environnements naturels. Face au changement climatique, qu'est-ce qu'on fait ? On accompagne, on tente de contrecarrer les effets, on s'adapte, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, alors là justement, ça va dépendre exactement de l'espace où on se situe. Lorsqu'on est dans un massif comme les Écrins, qui est un massif qui monte à plus de 4000 mètres, on voit bien qu'on va avoir des enjeux qui vont augmenter sur toutes ces espèces dont j'ai parlé précédemment, les artico-alpines, celles qui vivent très haut en altitude. Parce que les derniers endroits où elles vont rester en France, ça va être dans nos massifs, Mont Blanc, Écrins, Vanoise, pour faire très très simple. Donc là, on voit qu'on a un enjeu fort pour essayer d'accompagner la gestion de ces territoires pour conserver ces espèces. Si elles doivent rester encore quelques dizaines, voire une centaine d'années, ça sera chez nous. Et pour la société en général, pour notre communauté, c'est important de les conserver. Donc là, on a des enjeux forts. Jean-Baptiste Bosson. Oui, en complément de ça, en fait, il y a deux verbes clés, il y a deux actions clés. C'est limiter le réchauffement global, c'est l'action majeure. Et la deuxième, c'est s'adapter. Donc il faut comprendre les processus naturels et tout faire pour s'adapter. Et là, pour les aires protégées en France, pour les réserves naturelles, il y a un programme européen qui s'appelle Life Nature Adapt. Et donc c'est pour la première fois, c'est de tenir en compte des changements climatiques dans les réserves naturelles, voir quelles vont être les conséquences pour les espèces, pour les écosystèmes, etc. Et de voir, nous, en tant que gestionnaire, comment on peut proposer des mesures d'adaptation en face, justement. Oui, il y a la même chose sur les alpages en ce moment avec un life pastoral. Il faut savoir que les fonds européens et les soutiens, on va dire, des régions et de l'État se portent autour des changements climatiques. Donc, on a énormément de programmes qui sont aujourd'hui autour de ces questions. On a parlé des life, on a un certain nombre aussi de programmes Alcotra avec Climat, avec IFENO. Enfin, je ne vais pas citer tous ces acronymes, mais l'idée, c'est toujours ça. Comment est-ce qu'on va faire pour endiguer et s'adapter ? Allez, quelques questions d'auditeurs qui sont arrivées pour vous. Juliette vous dit, dans les Alpes, les glaciers alimentent de nombreuses sources et petites rivières qui pourraient se tarir avec le changement climatique. Ne serait-il pas temps de limiter l'urbanisation et le tourisme de masse dans les vallées pour diminuer la pression sur la ressource en eau ? Lequel des deux veut répondre ? Oui, il est évident qu'il va y avoir des changements sur les flux d'eau, mais l'eau va dépasser les vallées. Hein. Entre l'amont et l'aval, le grand enjeu demain de l'eau, c'est comment on se répartit dans les moments de pénurie, cette eau entre le sommet de la montagne et le bord de mer. Donc certes, au niveau des vallées, il peut se passer des choses, mais il va s'en passer aussi dans les villes, il va s'en passer aussi sur les côtes. Est-ce que le responsable scientifique du parc des Écrins que vous êtes nous dit qu'il faut réduire le tourisme ou est-ce que vous nous invitez à venir regarder votre massif ? Ah non, personnellement, moi je vais vous enjoindre tous à venir le voir pour venir toucher du doigt ce changement climatique. Venez voir ces glaciers, venez voir ces lacs se créer et toucher du doigt concrètement ce qui est en train de se passer. Vous verrez très rapidement tous les signes dans la montagne de ces changements qui se produisent. C'est pour ça que les professions qui sont le plus en contact avec ces environnements ont très vite réagi. On a parlé des guides, on a parlé des gardiens de refuge, on a parlé des agriculteurs. Voilà, eux, ils y sont confrontés tous les jours et nous, dans nos métiers aussi. Donc venez le plus vite possible voir ça. Jean-Paul vous dit, la fonte des glaciers est-elle sans conséquence sur les populations humaines qui se trouvent en aval, déplacement des populations? Est-ce que ça risque de faire des éboulements, des inondations, vous demande Jean-Paul, Jean-Baptiste Bosson. Donc il y a deux enjeux majeurs, je dirais, par rapport à ça. Le premier, c'est les dangers naturels, on va dire, à proximité. Je vous donne l'exemple, par exemple, à Saint-Gervais-les-Bains, donc au pied du massif du Mont-Blanc, en 1892, une poche d'eau dans un glacier s'est rompue et a créé une espèce de gigantesque coulée de débris, de glace, etc., qui a fait plus de 180 morts. Et ça, c'est un enjeu qui est d'actualité avec ces dangers naturels, d'immenses éboulements, de lacs glaciaires qui se rompent. Et donc, il y a de la surveillance et il y a du suivi. Le deuxième enjeu qui est majeur, mais qui est là au niveau global, c'est l'élévation du niveau marin qui est généré par la fonte des glaciers partout sur Terre et les calottes glaciaires. Le niveau marin a augmenté de 20 cm au XXe siècle, en grande partie lié à la fonte des glaciers sur Terre. Les prévisions sont à plusieurs dizaines de centimètres d'ici à 2100, voire peut-être dépasser le mètre, d'après les derniers articles scientifiques. Et là, ça se chiffre en dizaines de millions, ou voire centaines de millions de gens sur Terre qui sont impactés. Donc évidemment, la fonte des glaciers, elle a des conséquences énormes à l'aval. Jérôme vous dit, vu la taille des glaciers et leur temps de réaction, plusieurs centaines d'années pour les plus grands au changement climatique, le recul des glaciers visibles actuellement n'est-il pas le résultat des changements survenus après le petit âge glaciaire? Autrement dit, le pire ne serait-il pas à venir? C'est juste, en fait, les glaciers, ils répondent avec inertie. En fait, je dis souvent ça dans les conférences, si vous mettez un glaçon sur la table, c'est pas parce qu'il fait 25 degrés dans la salle qu'il fond en 3 secondes. En fait, il a du temps de réponse. Et les glaciers, c'est exactement pareil. Les glaciers dans les Alpes, en fait, ils fondent moins vite que le climat se réchauffe à l'heure actuelle. Donc on dit que demain, si on arrive par un miracle à stabiliser les émissions de gaz à effet de serre sur Terre et donc arrêter le réchauffement global, les glaciers alpins, mais c'est à peu près le même chiffre dans le monde, ils vont fondre de toute manière. 30% de la masse actuelle, 35% à peu près de cette masse, va fondre quoi qu'il arrive, parce qu'elle est en déséquilibre en fait. Les glaciers n'ont pas eu le temps de fondre aussi vite que le climat s'est réchauffé. Donc oui, on paye les conséquences entre guillemets du passé, mais on peut, comme on disait aussi, freiner maintenant. Et ok, on va continuer à perdre dans les prochaines décennies, mais on peut atteindre un nouvel équilibre d'ici la fin du siècle ou un petit peu après, et préserver quand même des grandes masses de glace. On ne baisse pas les bras, on espère pouvoir quand même enrayer le processus. Et puis, vous nous l'avez dit, hein, vous nous invitez, Richard Bonnet, à aller visiter et regarder ces paysages se transformer. Merci à tous les deux, Jean-Baptiste Bosson et Richard Bonnet, d'être passés par notre bivouac. Daniel. À côté de vous, s'est assise notre invitée de la deuxième heure, Juliette Labaronne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous allez nous emmener à la découverte d'autres paysages de France. Nous allons sillonner nos régions en train, mais nous allons prendre notre temps. C'est l'idée de votre livre Slow Train, paru chez Artaud. Emprunter ces petites lignes ferroviaires que nous avons parfois tendance à délaisser pour découvrir la France, loin des autoroutes et puis de la cadence infernale du TGV. En voilà une belle idée. À tout de suite, Juliette Labaronne.